chance de... Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 18 mai pour le Réveil culturel de France Culture, un autre jour est possible. Deuxième semaine du Festival de Cannes et pour nous une deuxième série avec Edgar Morin qui va nous accompagner toute cette semaine pour nous parler des stars du cinéma, les stars qui ont marqué sa vie, mais aussi pour questionner notre rapport aux stars du cinéma. Donc les fantômes du cinéma, c'est dans un instant le premier épisode. Et puis en deuxième partie, je recevrai un des réalisateurs français les plus en vue du moment puisqu'il parle des problèmes de la société française d'aujourd'hui. Il s'agit de Philippe Faucon qui présente dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs son dernier film Fatima. On en parle tout à l'heure et avec lui aux alentours de 6h20. Avant de vous quitter, avant de rendre l'antenne à Paris, ce que j'aimerais faire, c'est vous diffuser maintenant l'enregistrement tout à fait exceptionnel que nous avons fait à l'arrivée de Brigitte Bardot dans une indescriptible cohue. Alors attention, à vous Ampex pour l'enregistrement de l'arrivée de Bardot. Une cohue indescriptible. Arrive Brigitte Bardot pour laquelle ce sont des retrouvailles avec le Festival de Cannes. Et tout le monde ici est heureux, tout le monde est enchanté de retrouver Brigitte Bardot au Festival de Cannes. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance, les photographes, est absolument ahurissante, extraordinaire. Et Günther Sachs a dit lorsqu'il est arrivé au bas des escaliers, surtout ne me l'écrasez pas. Non, il avait raison car on se demande comment elle va arriver jusqu'en haut, jusque dans la salle du palais du festival. C'est une véritable révolution l'arrivée de Brigitte Bardot. À nous maintenant ici. Les fantômes du cinéma. Premier épisode avec Edgar Morin, cinéphile et auteur des stars. Bonjour Edgar Morin. Bonjour. En 1957, au moment où paraissaient les mythologies de Roland Barthes, vous sortez un petit livre, Les Stars, que Le Seuil a eu la bonne idée de rééditer en collection Folio cette semaine. En 1957, on sort définitivement de la période de l'après-guerre. Et c'est les débuts, pour ne pas dire de l'âge d'or de la société de consommation, au moins les débuts de cette société de consommation, qui passe aussi par le cinéma, souvent hollywoodien, et donc par les stars. Et ce livre que vous avez fait paraître en 1957 était le deuxième consacré au cinéma après L'Homme imaginaire. Est-ce que vous pensez, Edgar Morin, que notre rapport aux stars a changé depuis 1957? Mon rapport aux stars n'a pas tellement changé, c'est-à-dire c'est le monde des stars qui lui-même a évolué. Je dois dire que pendant la période où j'écrivais les stars, le cinéma était quelque chose de majeur dans la culture populaire. Je veux dire que la télévision n'avait pas encore développer toute son emprise. On était au début de développement des loisirs, des voyages, du tourisme. Le cinéma était à l'apogée de notre culture. Et donc, les stars avaient un rôle rayonnant. Mais on peut dire aussi que, à partir de cette époque, on avait un peu starifié des personnages qui ne relevaient pas du cinéma. Des champions de boxe, des vedettes de la chanson comme Piaf, et surtout des personnages royaux dont toute une presse se repaissait de leur aventure réelle ou imaginaire. Et moi j'ai un peu élargi, j'ai appelé la catégorie des Olympiens, c'est-à-dire de ces personnages qui semblent vivre comme dans les anciens dieux de l'Olympe, avec la différence quand même capitale, que les dieux étaient immortels et que les stars sont mortels. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une tragédie des stars, qui est le vieillissement, la perte de cette adoration du culte dont elles sont l'objet, et qui ont conduit certaines au désespoir. Alors, justement, dans les stars, vous dites de même que lors des entestéries, les morts reviennent parmi les vivants. De même, tous les ans, au Festival de Cannes, les vedettes impalpables quittent la pellicule et s'offrent au regard des mortels. Là aussi, c'était cette grande époque du cinéma où tout était... Les médias étaient concentrés sur ce festival, et alors c'est évident qu'elles étaient aussi présentes, pas seulement quand elles descendaient ou montaient royalement l'escalier, mais dans les interviews, dans les cocktails. Mais il faut dire aussi qu'à la différence des morts qui reviennent tous les ans à une date fixe, une seule date, les stars pouvaient revenir à Cannes, à Venise ou d'autres festivals. Ingrid Bergman, vous êtes vraisemblablement venue souvent à Cannes au moment du festival, mais seulement en tant que comédienne. C'est la première fois que vous êtes présidente du jury, bien entendu, que vous êtes même membre du jury, je crois. Jury, oui, naturellement. Vous veniez très souvent au Festival de Cannes? Non, il y a 12 ans. Et avant ça, c'est à peu près 20 ans. Deux fois, je suis venue ici pour rester deux jours. Oui, donc vous vous souvenez très peu, c'est très très... Oui, non, je me rappelle bien que c'était un enfer. Et je disais toujours, jamais plus je veux aller au festival. Et maintenant, je suis là pendant deux semaines, même plus. Et je veux dire que c'est très intéressant, amusant et fatigant. Et c'est toujours un enfer. Oui, mais c'est intéressant de voir tous les films différents. Il faut avoir, voir deux par jour. Et je suis même allée voir quelquefois un film d'hors compétition aussi. Compétition. Oui, alors ça c'est fatigant, mais la chose qui est plus fatigante de tout, c'est donner les interviews et les radios, excusez-moi. Vous savez. Oui, justement, c'est ça. C'est plus parce que vous êtes quand même 1500 journalistes sur place. Et ça, c'est un peu difficile. Hein. Alors, Edgar Morin, parlant justement du mythe, les stars deviennent des mythes. Par exemple, Ingrid Bergman, qui représente le Festival de Cannes, puisqu'elle est à l'affiche de cette 68e édition, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, Ingrid Bergman? Eh bien, elle évoque justement à la fois une très grande actrice et une très grande star de l'époque. Depuis les films suédois jusqu'aux films hollywoodiens et aux films rossellinien, c'est une personnalité qui s'est imposée pendant des dizaines d'années. C'est une grande star de l'histoire. Pensez-vous que les stars de cinéma sont immortelles, ou est-ce que vous pensez que au fur et à mesure qu'on avance, on va oublier les stars? Bien, vous savez, dans la mesure, d'abord, moi je crois que il y a un renouvellement. Ce qui se passe, c'est que à l'époque de mon livre, Hollywood était comme une sorte de fabrique de stars, mais il ne pouvait pas fabriquer une star à partir de n'importe quoi. Il fallait qu'à un moment donné, la vedette, femme ou homme, ait un je ne sais quoi de photogénique, de fascinant, d'envoûtant, qui à ce moment-là permettait de la lancer sur le marché et d'en faire une véritable star. Donc on ne peut pas fabriquer une star comme une femme artificielle, comme un robot, mais il faut qu'il y ait le je ne sais quoi. Donc, mais c'était quand même une manière de les lancer, de les fabriquer, de modeler leur visage, de les farder, etc. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette standardisation hollywoodienne, mais les stars jaillissent dans le cinéma. Vous avez les stars de Bollywood en Inde, et vous avez des stars chinoises, vous avez bien entendu encore des stars américaines, ou des stars françaises, comme Juliette Binoche. Donc, si vous voulez, c'est... Alors, disons, une majorité de stars avaient quand même des traits très réguliers, une beauté, je ne dirais pas conventionnelle, mais un peu classique. et qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a beaucoup de visages qui sont attractifs, suggestifs, sans avoir les canons de la beauté. Et donc, si vous voulez, il y a une plus grande variété dans la naissance et dans la glorification des stars. Play it once, Sam, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Pour expliquer le choix d'Ingrid Bergman, donc, qui est à l'affiche du festival de Cannes de cette année, la 68e édition, l'année dernière c'était Marcello Mastroianni, donc le communiqué qui accompagnait ce choix disait d'Ingrid Bergman que c'est une icône moderne, une femme libre, une actrice audacieuse, et qu'Ingrid Bergman fut à la fois star hollywoodienne et figure du néo-réalisme, changeant de rôle et de pays d'adoption au gré de ses passions, sans jamais perdre ce qu'elle avait de grâce et de simplicité. Oui, c'est que, vous savez, la personne concrète d'Ingrid Bergman est très forte et par là même, la force de sa personnalité permet donc au présentateur du festival d'exalter non pas seulement sa grande figure dans les films, mais sa personne elle-même. Je crois que c'est, on peut le dire aussi d'un certain nombre d'autres grandes actrices. Est-ce qu'on peut utiliser encore aujourd'hui le terme d'icône ? Ah, vous savez, c'est un terme qui a pris un autre sens dans Internet. Mais enfin, moi je pense que c'est un peu trop poussé. Mais enfin, vous savez, le mot icône a ou bien son sens religieux, ou bien dans le mot iconographie, ça veut dire son sens d'image. Alors, si vous voulez, quand on a les photos de stars chez soi, quand on en fait... Quand on les regarde, on est à mi-chemin entre l'icône religieuse et l'image profane. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, en 2015, vous êtes autant attiré, fasciné par les stars de cinéma ? Écoutez, là aussi, il faut relativiser parce que l'âge important... C'est l'adolescence et c'est des grandes découvertes de films ou de stars qui vous marquent beaucoup. Alors donc, je peux dire que, par exemple, il y avait une actrice de cinéma allemande, une star qui s'appelait Brigitte Helm, qui jouait dans l'Atlantide, le film de Pabst, qui était une sorte de souveraine marmoréenne, pour laquelle j'étais fou d'adoration. On en parlera demain, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des stars qui vous font le même effet, ou bien ça reste lié à votre adolescence ? Eh bien, vous savez, c'est que l'effet est moins puissant, mais je ressens cette attraction pour certaines actrices stars, mais je répète, l'important, c'est l'âge où l'on découvre des visages qui vous fascinent totalement. À demain, Edgar Morin. À vous demain. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, let's go make a picture on the island of Stromboli. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, you're so pretty. You'd make any mountain quiver. You'd make fire fly from the crater. Ingrid Bergman. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Quand est-ce que tu as les devoirs tout à l'heure? وقتاش توت الهر توت الهر واش بيك واش كاين جون اي مار دو سيت في دو ريان دايما انت يا جون اي مار راكي لاباس عليك ساكنه تاكلي تشربي لابسه حوايج نظاف احمدي ربي وشكري هنا راكم لاباس عليكم واش خاصك arrête maman arrête de dire qu'on est bien on est vu dans une cage où tu vois on est bien tu fais des ménages où on est bien arrête de délirer un peu انت دايما تلقاي السبب باه ما ديريش لي دوفوار تاعك Je peux pas travailler ici, comment tu veux que je travaille? Il y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Donc je peux pas faire mes devoirs, je peux pas travailler. Bon, ça va là, tu te calmes, tu baisses d'un ton s'il te plaît. Bonjour Philippe Faucon. Bonjour. On est à l'extérieur, c'est le festival de Cannes et on va parler de votre dernier film qui sera présenté à la quinzaine des réalisateurs cette semaine. Fatima. Comment résumer Fatima? C'est le portrait d'une femme, d'une maghrébine qui ne maîtrise pas la langue française et qui doit affronter les aléas de la vie, elle, femme de ménage, qui a à sa charge deux filles, 13 et 18 ans. Voilà, Fatima, c'est une femme donc, qui est venue du Maghreb en suivant son mari, sans savoir parler le français ni l'écrire, et donc de ce fait, elle a eu accès qu'à des boulots pas très valorisants. Et puis elle a eu deux filles qui sont nées en France et qui, elles, parlent le français depuis qu'elles ont appris à parler. Et donc ça raconte cette histoire que tout le monde connaît, mais sans la connaître vraiment, de cette séparation par la langue entre des parents qui sont venus d'ailleurs et des enfants qui sont nés ici. Et aussi le fait que cette femme, elle est dans une espèce de désir obstiné que ces deux filles ne soit pas condamnée au même itinéraire de relégation sociale qu'elle a connu elle-même. Donc elle s'accroche à essayer de soutenir la scolarité de la plus jeune et puis à soutenir l'aînée dans ses débuts, dans des études à l'université. Comment est partie cette idée de film, Fatima ? Il y a l'histoire d'un livre de Fatima Al-Ayoubi, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle écrit. C'est parti d'une proposition qu'on m'a faite de faire ce film à partir d'un petit livre qui avait été écrit en effet par Fatima Al-Ayoubi. Et donc je me suis un petit peu demandé quel film on pouvait imaginer d'en tirer. Et puis j'ai mieux compris quand j'ai rencontré l'auteur, Fatima Al-Ayoubi, qui est un personnage réellement extraordinaire, c'est-à-dire c'est une femme qui en effet a appris à parler, à écrire le français toute seule, entre ses heures de ménage. Donc c'est beaucoup plus l'adaptation de la vie de l'auteur. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus nourri de la vie de l'auteur, mais j'ai aussi utilisé dans le film, en effet, le genre de choses qu'elle notait dans son cahier. Ce qui ne nous dit pas pourquoi vous avez été attiré par ce sujet. Dès la rencontre que j'ai eue avec Fatima, Il y avait en face de moi un personnage formidable. Et puis ensuite, moi, ça m'a renvoyé aussi à quelque chose qui constitue aussi un peu mon histoire. Parce que moi, mes grands-parents ne parlaient pas le français. Ils sont venus d'Espagne en Algérie parce que mon grand-père était mineur. Et donc, il est venu après la guerre d'Espagne en Algérie pour trouver du travail là-bas. Et ils se sont installés dans une région qui était une région de mines. Ma mère est née là-bas et donc eux ne parlaient pas le français, ma mère ne le parlait pas dans son enfance. Et par la suite, quand ils sont venus en France, ils étaient un petit peu des invisibles de la société française, c'est-à-dire. Et donc chez Fatima, j'ai retrouvé des choses que j'avais connues chez eux. Par exemple, quand Fatima, dans le film, assiste à un conseil de classe parce qu'elle veut absolument suivre la scolarité de sa fille, mais qu'elle ne comprend pas ce qu'il se dit autour d'elle, Fatima El-Ayoubi, elle me racontait qu'elle allait s'asseoir au-devant et elle ne comprenait pas ce qu'il se disait, mais elle regardait les gens fixement. Et ça m'a beaucoup rappelé, par exemple, cette espèce d'attitude, ce regard qui était celui de mes grands-parents, c'est-à-dire un regard qui vous fixe comme ça, qui cherche à dépasser, les, les insuffisances ou les handicaps que l'on rencontre quand on ne maîtrise pas la langue dans des situations de la vie quotidienne. Non, mais il ne fait pas attention. Amoureuse ? Non, mais j'ai pas le temps d'être amoureuse, hein. J'ai pas la tête à ça. Maintenant, c'est les études. Je contrôle. Écoute, commence pas à te faire des films. Exactement. والله الحكاية هذه بيصار تتلاقي مع واحد يعجبك ومن بعد ما تزيدش تشوفيه ما يضركش خاطرك et toi si tu rencontres un homme qui te plaît tu lui fais comprendre ou tu te contrôles انا ما لازمش نخمم على راجل الحب تاعي كل بناتي غير البناتي كلش البناتي non mais ça c'est trop facile hein. c'est trop facile et puis enfin ce film que vous venez de réaliser Fatima c'est un film d'une douceur parce que comme si pour vous c'était le moment de faire un film contre l'hystérie ambiante parce que le personnage il faut le dire tout de suite Fatima elle porte le foulard et donc est-ce que on s'attend à un autre film quand on voit ce personnage et pas du tout cette femme qui porte le foulard qui élève ses deux filles toute seule c'est une battante oui bien sûr c'est une femme qui a voilà sa croyance et ça c'est pas forcément un choix que d'écriture au moment du scénario parce que la vraie Fatima ne porte pas le foulard et par contre quand j'ai fait des recherches pour trouver l'interprète donc c'était pas simple parce que c'est un vrai rôle un rôle très dense c'est pour lequel il n'existe pas d'actrice dans le cinéma français pour l'interpréter c'est-à-dire quelqu'un qui naturellement a des difficultés avec le français parce que je voulais pas faire jouer ça par quelqu'un qui parle bien le français mais j'y crois pas je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer de façon convaincante et les essais qu'on a fait dans ce sens-là l'ont à chaque fois montré ça. Et donc j'ai fait des recherches au Maroc j'ai rencontré des actrices là-bas que j'ai trouvées intéressantes mais qui n'avaient pas l'âge exact du rôle donc à un moment je me suis décidé pour une non-comédienne qu'on m'a fait rencontrer chez qui je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant et qui est une femme qui porte le foulard alors on en a beaucoup parlé je lui ai dit mais tu sais il va y avoir des moments dans le film quand elle est chez elle par exemple où elle doit enlever son foulard elle m'a dit d'accord ben je le ferai. Je lui ai dit, mais tu sais, on va te voir sur un écran, il y aura tout un tas de gens dans l'équipe, il y aura, etc. Donc ce sont des choses qu'on a beaucoup discutées. Puis à un moment, elle m'a dit, ce personnage, c'est quelqu'un qui parle de moi, je vais en parler avec mon père, je vais en parler avec mon mari, mais moi j'ai envie de le faire. Et puis on a trouvé un terrain d'entente sur ce qu'elle acceptait de faire. Donc Mais par exemple, qu'est-ce qu'elle a refusé de faire ? Alors évidemment, il y avait des moments où il fallait enlever son foulard. Et pour elle, c'est quelque chose de compliqué. Alors elle a proposé une solution qui est qu'elle porte une perruque dans le film. Et on a été un peu... Je me suis demandé si c'était une bonne idée. Et puis on a fait des essais. Et dans le film, en effet, dans les scènes où elle joue sans foulard, elle porte une perruque. Diriez-vous que c'était un accommodement raisonnable ? En tout cas, c'était la seule solution possible si je voulais tourner avec Soria. Après, elle est allée assez loin dans les choses qu'elle a accepté de faire, c'est-à-dire elle a accepté de montrer ses bras, son cou, ce qui ne sont pas des choses évidentes pour une femme comme elle. Voilà, elle a assumé, elle a dit peut-être qu'on va me critiquer pour ça, qu'on va parler de moi, mais je trouve que je le fais pour quelque chose qui a du sens. Enfin, elle l'a exprimé avec ses mots, mais ça c'était un peu dans cette idée-là. Et toutes ces réflexions se faisaient pendant que l'affaire du foulard continuait à enflammer la scène politico-médiatico-sociétale française. Oui. Est-ce que c'est pour vous un choix aussi, Philippe Faucon, de tourner avec une femme qui tient aussi à son voile ? Oui, je l'ai déjà fait dans la désintégration pour les mêmes raisons, parce que je trouvais que j'avais en face de moi une femme qui avait une vraie richesse humaine, etc. Et puis c'était pas forcément le personnage tel que je l'imaginais, mais voilà, elle se présentait comme ça, donc je l'acceptais comme ça. Moi, j'avais aussi des, par rapport à ce que j'allais entreprendre, des raisons qui faisaient que j'allais lui demander telle ou telle chose. Donc ce sont des choses qu'on a discutées au préalable avec elle. Et puis alors dans la désintégration, par exemple, il y a une scène où elle se couche et en effet elle enlève son foulard, elle se montre tête nue et là elle ne porte pas de perruque puisqu'à ce moment-là on n'avait pas les moyens de ça. Et elle m'a dit bon bah je le fais, je l'ai déjà fait de toute façon parfois pour travailler dans des, parce que je suis dans une nécessité de travailler. Puis il y a des endroits où on m'a demandé de l'enlever, je l'ai enlevé puis je le remettais en sortant. Et en effet bon tout ça ça se passe dans un climat qui est un climat d'énorme ignorance et d'énorme incompréhension de ces réalités-là. D'ailleurs, sur le tournage, quelquefois, il y avait des réflexions de figurants par rapport au fait que cette femme porte un foulard. Enfin, bon, bref, on sentait qu'on était dans un moment un peu différent, un peu où les choses sont un peu comme ça montées en crispation. Quel genre de réflexion ? Rien, des remarques ironiques et des attitudes de surprise, bêtes, mais voilà, qui étaient exprimées comme ça. En parallèle au film, parce que dans le film, il y a aussi ces histoires du regard qu'on porte sur Fatima, sur le fait qu'elle soit voilée, sur le fait qu'elle ne maîtrise pas la langue française. Il y a aussi, en filigrane, la stigmatisation des musulmans en France aujourd'hui, dans votre film, Philippe Faucon. Oui, bien sûr, parce que c'est une réalité. Donc, un personnage comme celui de Fatima le vit, le connaît. Et pour vous, c'est un parti pris, c'est un film engagé. Bah, c'est un film qui essaie d'être en phase avec son époque, d'évoquer des aspects de la société française d'aujourd'hui. Voilà, engagé. C'est pas un film où c'est un film qui tente de parler du présent. Merci Philippe Faucon. Je vous remercie. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel que vous pouvez écouter tous les jours de la semaine à 6h du matin ou quand vous voulez en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr à la page de l'émission. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Edgar Morin pour la série Les fantômes du cinéma. Et en deuxième partie, je serai avec Bernard Pivot qui lui se lance dans le théâtre. À demain.